Hey, c'est qui ça, Alexandre Turgeon, du Conseil régional de l'environnement de la région de la Capitale-Nationale? Toi aussi, c'est un nom qui a sonné une cloche, hein? Fait une fixation sur Radio X, et je sais pas dans quel genre de pays ce gars-là aimerait vivre, mais je pense pas exagérer en disant que ce gars-là serait très à l'aise, probablement en Corée du Nord, où t'as pas le droit d'émettre des opinions contraires au régime. Et c'est un discours très, très cubain, très pays de cul. Arrête, lui, va dire ce matin, là. Lui va dire qu'il amène des solutions. Il peut y aller, Alexandre Turgeon peut y aller vivre d'un pays de cul, là. Il y en a des pays de cul où tout le monde pense pareil, là. Ça existe, là. Alexandre Turgeon est un gars à qui on avait parlé à la fin de l'été. C'est le directeur général du Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale. Et lui, il a demandé la fermeture des radios d'opinion à Québec, de Choix Radio X, en l'occurrence. Il nous a dans la tête pas à peu près, parce que hier, il était... Puis il a fait ça en pleine commission parlementaire, lui-là. Là. Oui, sur Enbridge. Le projet de pipeline. Et lui, il a dit regretter que le gouvernement péquiste n'ait pas le pouvoir de fermer Choix Radio X à Québec. Parce que Scott McKay, le député péquiste, il a fait une petite joke sur les voies réservées, ça a l'air. Et c'est là que lui s'est mis à étaler son discours en disant « Il faut que vous soyez un peu plus imperméable aux pluies de vindictes d'appels à la violence automobile ben oui. que peuvent faire certains animateurs de Radio Québec. » Est-ce qu'il peut me trouver un tape, un seul extrait, où on a dit ici à Radio X, où on a essayé de faire une espèce d'appel à la violence? Oh, c'est le contraire! On a dénoncé les maudits caves. Les imbéciles, les crétins, les pas de génie, les sans-génie qui ont fait des fingers à des autobus à des chauffeurs d'autobus du RTC sur Robert Bourassa. Il comprend bien ce qu'il veut, lui, Alexandre Turgeon. En fait, moi, ça me fait rire, ces bien-pensants-là, qui accusent les radios poubelles de jugement facile et d'incitation à la haine et la violence, qui sont souvent les premiers à juger puis à faire des espèces d'analogies sans aucun sens. Puis je sais pas si ça te tente de le pitcher là, mais il nous en avait fait une pas pire, lui. Lui, quand on y avait parlé cet été, c'était en marge de l'annonce de Régis Labeaume et de Stephen Harper sur l'ouverture de la côte Gilmore en hiver. Puis on s'était bien parlé de l'automobile à Québec. Puis écoutez ce qu'il m'avait dit. Promène-toi sur l'autoroute, là. Combien de fois tu dis, tu regardes la personne qui conduit en avant de toi, là, puis tu es capable de déterminer son âge par sa façon de conduire, c'est pas non plus un mode d'organisation des transports qui est fait pour une population qui est de plus en plus vieillissante. Attendez un peu, là. Il y a trop de vieux sur les routes, fait qu'il faut arrêter d'avoir des chars. C'est ça que vous venez de dire, là? Mais il va en avoir de plus en plus. Ouais. Mais quel gars déconnecté! Il compte les vieux sur la route! Quel déconnecté! Lui, je sais pas dans quel genre de société il voudrait vivre. Il voudrait vivre dans une société où il n'y a pas de personnes âgées qui conduisent. C'est quoi ça, ce raisonnement-là? Puis ça sera pas bon pour l'environnement parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées. Puis de toute façon, les personnes âgées savent pas conduire. Puis hier, il s'en va dire en pleine commission parlementaire que les radios d'opinion à Québec devraient fermer. Puis que ce serait le fun que le gouvernement ait le pouvoir de fermer des radios. Mais dans quel genre de pays ça existe, ça? Dans quel genre de pays des gouvernements ferment des radios parce qu'il y a des opinions différentes? Moi, je veux pas vivre dans ces pays-là. Hey, directeur général du Conseil régional de l'environnement de la région de la Capitale-Nationale, on a-tu trop d'organisations quelconques? Hey, Rich, t'es bon pour trouver des billets d'avion, toi? Ben, je suis en train de faire autre chose. Je suis en train de trouver une maison à distance, pas trop loin de Leningrad. Ouais, mais tu peux-tu checker pour des billets d'avion pour la Corée du Nord? OK, ouais, pas trop. Parce que... Je suis pas sûr, Corée du Nord, si tu peux aller là. Non? Je sais pas, hein? Sur Expedia. Puis t'aimes ça sur Expedia? On va faire Corée du Sud. Ouais. Puis après ça, ça va me prendre un lift pour la Corée du Nord. Ben ouais. OK, un train où il allait à pied, où il trouvait un convoi, quelque chose. Parce que M. Alexandre Turgeon, qui veut vivre dans ce genre de société-là, ça m'inquiète. Je pense que la société québécoise se porterait mieux si les radios fermaient. Si le gouvernement du Québec avait le pouvoir de fermer les radios. Je trouve ça aberrant, aberrant, aberrant. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a l'impression que ce qui est dit en onde, c'est dicter aux gens quoi penser et que ça va pas dans le sens inverse. C'est-tu être perméable à l'opinion des citoyens, tu penses, dire une niaiserie de même? C'est être déconnecté, c'est être vraiment, vraiment, vraiment se placer au-dessus de la mêlée, surtout, là. C'est vraiment, vraiment être... C'est d'une prétention épouvantable. On n'est pas capable de collaborer entre les deux, entre ceux qui trippent vers transport en commun, ben, ceux qui ont besoin de l'auto. On n'est pas obligé de s'entendre. Pas... Je suis pas d'accord avec la collaboration. On n'est pas obligé de s'entendre. À un moment donné. Moi, des bons débats, là, où le ton lève, là. Moi, j'aime mais ça. Mais c'est pas okay? un débat, ça. On n'est pas obligé de tout s'entendre là, là-dessus, là, au Québec et à Québec. Là. Comprends-tu? Mais... Vive le débat. Vive la divergence d'opinion. On n'est pas obligé d'être toujours en harmonie, là. On est pas obligé, là. 100 000 à l'heure, parce que c'est comme ça que tu fais avancer les affaires. Mmh. Mais quelqu'un qui dit, je veux pas entendre l'autre côté de la médaille, j'aimerais ça que ça ferme. Mais il est comme ça, Sylvain Godreau. As-tu trouvé un billet d'avion pour la Corée du Nord? C'est réglé. Pas Sylvain Godreau, il part en même temps qu'Adonis Stevenson, samedi. Ah oui? Et, par exemple, c'est un peu plus, Stevenson pour aller à Haïti, c'était 372 piastres. Va falloir déplier un peu plus. 1072, Corée du Sud. Après ça, ça prend un shelter. Il y a intérêt à Séoul, j'imagine, en Corée du Sud. Exactement. À Séoul, en Corée du Sud. Comment ça marche, les convois après ça, pour se rendre en Corée du Nord, à Pyongyang? Maintenant qu'il veut s'en aller à Pyongyang. Il va falloir se la jouer Black Belette un peu pour passer aux douanes. Black Belette avec tes contacts. Puis Prévoyez une faux écorcée. Ouais. Ouais. Moi, j'assure pas ce bout-là, puis je traînerais du kiwi. Là, Parce qu'il peut y aller, là. Je dis, il peut y aller vivre dans un pays comme ça. Là. Il y en a peut-être des plus proches. Peut-être que Cuba aussi pourrait être une bonne option là pour M. Alexandre Turgeon qui n'aime pas les radios qui ont une opinion différente de lui au point de les fermer. Là. Wow. C'est allé assez loin. Puis il a pas dit ça, puis... Imaginez ce qu'il dit d'un souper avec ses chums. Hey, Il dit ça, lui, en commission parlementaire, là, au Parlement, avec des députés élus de l'Assemblée nationale, là, sur un dossier de pipeline. Imaginez ce qu'il dit quand il est assis chez eux avec ses amis du plateau de Québec. Là. Imaginez ce qu'il dit sur nous autres. Là, puis sur. C'est des grands démocrates. Des grands démocrates, ces gens-là. Des très, très grands, des beaux exemples. Là. OK, Véro, qu'est-ce qu'on a dans les nouvelles là, ce matin? Il y a une enquête qui est en cours sur la base...